super curé. Pour affronter tous les méchants, il est armé de sacrements. Super curé. De nouveau fidèle, chaque jour il gagne. Sa foi déplace des montagnes. Oui, oui, oui. Super curé.